Tu sais, 20 ans ensemble, ça fait tout de même beaucoup. Où que tu sois, tu devrais réfléchir. Moi, je t'attends. Pour l'instant, écoute ceci. Écoute. 20 ans d'une vie sans histoire, ça laisse des marques indélébiles. C'est comme une trace indélébile. Où que tu sois, tu dois me croire. Notre histoire dad.